Est-ce que vous avez remarqué que les paquets de chips avaient tendance à diminuer alors que leur prix continuait à augmenter? Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Parce qu'il y a eu deux études l'an dernier qui ont été faites sur le phénomène de la shrinkflation. De l'anglais shrink, réduction, et flation pour inflation. Et j'avais d'ailleurs parlé de ces deux études sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, si je reviens avec vous, c'est parce que la DGCCRF, la Direction Générale des Fraudes, vient justement d'indiquer que le phénomène de la shrinkflation était une réalité. Il y a effectivement des industriels plus ou moins honnêtes qui réduisent les quantités dans leurs paquets sans l'indiquer sur l'emballage et qui augmentent leur prix. Donc vous, eh bien, ne vous laissez pas faire par ces gens plus ou moins honnêtes, comparez les emballages, vérifiez le poids, et si jamais ils ont essayé de vous tromper, eh bien, dites-le à la Direction Générale des Fraudes. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Firmin. Firme industrielle, c'est un capitaine d'entreprise qui a une entreprise qui fabrique de la sauce tomate. Une sauce tomate assez sombre qui est fabriquée avec de la vapeur, la dark vapor. Bref, Firmin fabrique de la sauce tomate haut de gamme et jusqu'ici, il la vendait à la fois à des professionnels et à des particuliers via la grande distribution. Seulement voilà, Firmin se retrouve avec de grosses difficultés. Il a de grosses difficultés parce que d'une part, eh bien, il a une augmentation du prix des matières premières, ce qui fait qu'il a du mal avec les matières premières qu'il met dans ses boîtes, mais en plus, il a des difficultés qui sont liées tout simplement au prix de l'électricité. Pour fabriquer ses boîtes de sauce tomate, eh bien, il utilise énormément d'énergie. Bref, Firmin, donc, les prix ont explosé. Et lui, il est très gêné parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. S'il absorbe les prix, les augmentations de prix, eh bien, il risque tout simplement d'être ruiné. Et en même temps, il se dit qu'il n'arrivera jamais à faire passer les augmentations des prix à ses clients. C'est beaucoup trop important comme augmentation. Firmin était très gêné et il a cherché une solution. Et pour ça, il a fait appel à un cabinet de consultants. Le consultant qui est venu le voir, c'est Yvan. Yvan de la Camelotte, c'est le consultant type. Il présente bien, il a un joli visage, mais il ne sait pas grand-chose. En deux mots, sa caboche est plus décorative qu'utile. Yvan a donc regardé rapidement les problèmes de Firmin, alors qu'il ne connaît rien du tout à l'industrie, et il a rapidement proposé un plan. Si Firmin ne peut pas augmenter ses prix, eh bien le plan proposé par Yvan, c'est tout simplement de diminuer les quantités dans le paquet. Comme il y aura moins de matières premières dans chaque boîte de sauce tomate, eh bien finalement la production d'une boîte de sauce tomate ne coûtera pas plus cher à Firmin. Et il pourra ainsi maintenir, voire même légèrement augmenter son prix de vente sans que le client ne s'en aperçoive. Ça, c'est le phénomène de la shrinkflation. On garde l'emballage tel qu'il était, mais on réduit un petit peu les quantités à l'intérieur en espérant que le client qui a l'habitude d'acheter ne se rende pas compte du subterfuge. On garde le même prix, voire on profite de l'inflation pour augmenter un petit peu son prix parce que le client, lui, s'en doute. Yvan propose à Firmin de prendre les clients pour des cons. Firmin fait alors remarquer à Yvan que le client s'en apercevra rapidement parce qu'il suffira qu'il lise sur l'emballage pour voir que la quantité à l'intérieur a diminué. Mais Yvan lui dit que non, il ne faut surtout pas changer les emballages. Bref, il faut dire au client que la boîte continue à faire 250 grammes même s'il n'y a plus que 200 grammes à l'intérieur. Jamais personne n'ira peser cette boîte pour vérifier la réalité. Et il faut croire qu'Yvan a dû proposer ça à beaucoup d'industriels parce que le phénomène, il n'est pas rare du tout. D'ailleurs, la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et des Fraudes, a pu contrôler tout ça en 2022 et elle s'est aperçue que sur les 31 usines qu'elle a contrôlées, 7 faisaient de la shrinkflation et que 11% des commerces qu'elle avait contrôlés étaient concernés. En deux mots, le poids indiqué sur les étiquettes et les emballages ne correspondait pas du tout à la réalité. Et c'est ce qu'il y a de plus scandaleux parce qu'à limite qu'un industriel décide de réduire la quantité dans ses boîtes afin de ne pas augmenter le prix. Pourquoi pas? Mais au moins, il faut qu'il prévienne ses clients. Or là, ils ont fait la totale. Ils ont réduit la quantité dans les boîtes, mais ils n'ont pas prévenu le consommateur. Ils ont gardé les anciens emballages avec l'ancien poids indiqué. Et moi, j'avoue que c'est ce qui m'a choqué le plus. Pourtant, ceux qui viennent souvent sur la chaîne savent que je suis libéral. Mais un libéral, il n'est pas là pour défendre les patrons. Un libéral, il est là pour défendre les consommateurs. Or là, volontairement, on trompe les consommateurs. Et c'est un véritable problème parce que ça vous empêche, en fait, de faire la comparaison entre deux marques qui pourraient se faire de la concurrence. Si on vous ment sur l'emballage, vous n'avez plus aucun moyen de faire la comparaison. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Emma. Emma main sur la gueule, elle est allée faire ses courses. Elle était dans son supermarché tranquillement et elle a acheté une boîte de tomates Dark Vapor. Et puis, elle a eu un petit doute à la dernière minute parce qu'elle avait entendu parler de la shrinkflation. Du coup, sa boîte de sauce tomate Dark Vapor, elle est allée la peser à l'endroit où on pèse normalement les légumes. Et là, elle a été surprise. Elle s'est aperçue qu'au lieu des 250 grammes indiqués, il n'y avait que 200 grammes. Et ma main sur ta gueule, là, son sang n'a fait qu'un tour. Elle est retournée tranquillement dans le rayon, elle a ouvert la boîte de Dark Vapor et elle a tout versé sur le sol. Et elle a pris alors une boîte de la concurrence. Quand quelqu'un te prend pour un con, il ne faut surtout pas le détromper. Bref, Emma s'est vengée et elle a acheté des produits à la concurrence. Bon, elle aurait pu utiliser une autre solution, peut-être plus douce et un peu moins vindicative vis-à-vis du commerçant. La DGCCRF envisage en effet deux solutions. La première, c'est un site internet, Signal Conso, qui permettrait aux consommateurs d'indiquer en temps réel les différences qu'ils voient entre le poids indiqué de produits dans les rayons et la réalité. Ça serait une première étape. La deuxième étape qu'ils veulent mettre en place, eh bien, c'est tout simplement de demander à la grande distribution d'indiquer eux-mêmes sur les boîtes les différences entre le poids constaté et le poids indiqué par le fabricant. Ça pourrait être effectivement une bonne solution. Alors, c'est pas encore assez. En fait, il faudrait obliger toutes les personnes comme Firmin de revenir en arrière et de changer l'emballage. Mais le problème, c'est que changer des emballages, ça coûte extrêmement cher. Et dans cette période d'inflation, l'État a déjà donné l'autorisation aux industriels de ne pas modifier ceci tant qu'ils en ont en stock. Entre autres termes, Firmin ne va pas être obligé de changer son emballage et le poids qui y est indiqué tant qu'il a des stocks d'emballage. Il ne devra le faire que quand les nouveaux emballages seront arrivés. Ça, c'est pour éviter que l'inflation continue à s'emballer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce qu'encore une fois, moi, je suis du côté du consommateur. C'est vraiment lui qu'on doit privilégier quand on est libéral. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez Firmin qui se trouve coincé par une augmentation des matières premières et qui est obligé pour garder des prix à peu près cohérents de diminuer la quantité de ses paquets et qui n'avertit pas les consommateurs parce que l'État pour l'instant lui permet? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un véritable problème et qu'il faut absolument que le consommateur, pour qu'il puisse comparer les marques entre elles, sache réellement le poids qu'il y a dans chacune des boîtes? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, mangez moins pour payer plus, la shrinkflation, c'est la révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.